Section 10 de la lecture. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture. Tome 2e. Section 10. L'adoré par René Mézeroy. Juillet 1885. Au bout du parc, sous d'énormes tilleuls dont les branches en fleurs s'élargissent et couvrent l'allée d'une ombre fraîche, à peine striée de quelques gouttes de lumière, est un vieux banc de bois vermoulu, d'où l'on voit par-delà les bois, les champs et les vergers, l'indécise ligne bleue de la mer. Nous l'avons choisi pour les heures de paresse, les lassitudes qui annihilent tout l'être après ces journées torrides, les longues haltes où, à côté l'un de l'autre, l'on se parle lentement, l'on cherche dans le passé les meilleurs souvenirs, qu'il y fait bon lorsque le soleil s'éteint, disparaît en des fulgurances d'incendie et que la chaleur s'apaise, que le ciel d'instant en instant se décolore, se nacre, s'illumine d'une clarté douce et fine. Le parc s'emplit d'une mystérieuse torpeur, de chuchotements vagues, d'un grand frisson de feuilles et d'ailes. Des volées d'oiseaux passent comme attirés par quelque invisible but. Les poulains lâchés au milieu des prairies hennissent d'une voix grêle, reniflent le vent qui a frôlé les lames, qui s'est imprégné de sel et de l'âpre odeur des varechs. Des fumées bleuâtres s'échevèlent au-dessus des fermes et bientôt apparaissent le croissant délié de la lune et la première étoile. La paix des choses nous enveloppe comme d'un reflux tiède et plus une parole ne sort de nos lèvres, plus une pensée ne vibre dans notre cerveau. Marthe appuie sa tête contre mon épaule avec une câlinerie enfantine, ferme à demi les yeux, et sous l'étoffe légère du corsage, je sens les battements de son cœur, la caresse de sa peau. Elle respire très doucement, comme une petite fille, et je l'embrasse, sans qu'elle entr'ouvre les paupières. Je l'embrasse sur le front, et au bas de l'oreille, et au coin des lèvres, et dans les fossettes de ses joues. Elle s'étire, elle rit par moments comme chatouillée, et nous ne reprenons qu'à regret le chemin du château, dont là-bas se profile le perron avec des urnes de marbre où luisent des géraniums rouges et la rampe ajourée sur laquelle dorment les paons en des poses hiératiques. Fin de la section 10, enregistrée par Margot.